Prince de la nuit, tu voles à contresens. Prince de la nuit, tu voles ton essence. Et tu rejoins les bars. Et tu rejoins par là. Nathan revient de sa folle nuit, complètement siphonné par l'alcool. Il va tomber, le revoilà, notre héros national. L'obscurité l'attire à l'infini, mais elle n'est pas éternelle. Hier au soir, il a joué à la vie. Il a gravi toutes les marches horaires et il s'effondre. Il aimerait tant se faire oublier, maintenant et jusqu'au soir, se mettre entre parenthèses. Nathan ne maîtrise plus vraiment. Nathan veut arrêter le temps. Nathan ne maîtrise plus vraiment. Nathan veut arrêter le temps. Dans son quotidien, il va le subir toute la sale journée en pensant à ce soir. Le temps.